174 emplois sont menacés chez Jacobs Douegber. Ce nom ne vous est pas inconnu, c'est le producteur de café. L'annonce a été faite ce matin. L'entreprise veut fermer son site de Grimbergen. Cette éventuelle fermeture, la société la justifie par la stratégie du groupe qui est notamment d'optimiser ses capacités de production et de distribution. Pour l'instant, la décision n'est pas définitive. Attention, si vous devez prendre l'avion, des retards sont à prévoir. Belgocontrol, l'aiguilleur du ciel, a restreint une partie de l'espace aérien belge ce matin depuis 10 heures à cause d'un problème sur le réseau de communication. Pour l'instant, Belgocontrol ne peut pas dire combien de vols sont impactés. Et en ce moment, l'impact de ce souci semble faible dans les aéroports de Bruxelles et Charleroi. Pas encore d'informations à ce stade pour l'aéroport de Liège. Je réserve mes propos, mes explications à la cour d'assises et aux jurés. Je me suis fixé une ligne de ne rien dire. C'est ce qu'a déclaré Bernard Westphal ce matin en arrivant à son procès à Mons. C'est le premier jour de ce procès très attendu. Aujourd'hui, c'est la composition du jury. Bernard Westphal est accusé du meurtre de son épouse Véronique Piroton. Les débats ne commenceront réellement que lundi. Une soirée riche en émotions pour les amoureux de football ce soir. 4 clubs belges jouent ce soir en Europa League. Pour les premières rencontres des phases de poule, le Standard reçoit les Espagnols du Celta Vigo et Anderlecht les Azeris de Kabala. Genk se déplace à Vienne en Autriche et la Gantoise à Braga au Portugal. Des matchs à suivre sur Vivacité ce soir dès 19h. Les Diables Rouges, eux, restent au deuxième au classement FIFA. Il a été publié aujourd'hui. Le Brésil, lui, grimpe à la 4e place. Ça y est, son nom est connu. Le bébé panda s'appelle Tian Bao, soit trésor du ciel en français. Peridaisa, le parc animalier, a donné le prénom qui a obtenu le plus de votes sur son site internet. Il fallait choisir entre 5 noms. Le bébé panda de 3 mois et demi a donc été baptisé ce matin en présence notamment de l'ambassadeur de Chine. La météo, il fait plus frais aujourd'hui de 22 à 30 degrés. En fin d'après-midi, des averses et des orages sont possibles. RTBF Mobile Info, Jean-Marc Strel, il y a de petits ralentissements sur le ring. Oui, et uniquement l'extérieur, pas de souci pour l'intérieur. Donc l'extérieur entre Strombeck et Wemel vers Grand Bigard. Et puis une autre info, et c'est la dernière, tant mieux d'ailleurs. Des ralentissements ensuite à des travaux, toujours observés sur le 42 Mons-Namur à hauteur de Courcelles, avec des files à partir de Chapelle-les-Hermes sur 3 km, à partir de Chapelle tout court d'ailleurs, sur 3 km en direction de Namur. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Tout de suite, on n'est pas des pigeons sur Viva avec Sébastien Nolvaux. Merci Justine, retour de l'info à midi. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Et donc il s'appelle Tian Bao, trésor du ciel. C'est le petit panda. C'est le petit panda qui a été baptisé ce matin. C'est qui le parrain, la marraine? Vous savez pas? Eh ben, moi, c'est Nenen et parrain. C'est logique. Bon, dites les amis au programme dont n'est pas des pigeons ce jeudi. Nous allons revenir notamment sur l'histoire de Jacqueline qui a voulu tester un régime gratuitement mais qui s'est retrouvée avec une petite facture salée derrière. Ah ben oui, elle voulait perdre des kilos, mais elle a reçu une petite note, plus de 300 euros à payer. Alors est-ce qu'elle a mal lu, pas bien lu? Enfin bref, on sera en contact avec les responsables du site. Il est 11h et une raouette, comme on dit en bon français. C'est pas l'heure de prendre le petit déjeuner, et pourtant Isabelle. Mais oui, on va peut-être prendre le petit déjeuner parce qu'on a beau répéter ce discours toutes les semaines, tous les mois, qu'importe, il y a encore toujours un enfant sur 5 qui ne prend pas de petit déjeuner, ça reste encore un chiffre élevé. Saskia, on va parler de Cozy Car. C'est normal, elle est jeune, elle parle d'applications smartphone, les trucs qu'on ne comprend pas nous, mais une application pour partager les voitures. Oui, je vous propose aujourd'hui de partager votre voiture avec vos voisins. Et dans le journal de la conso, on parle de musique. Oui, est-ce que vous écoutez la musique plutôt en streaming ou plutôt en CD, vous? Sébastien. C'est ce que j'écoute. Moi, je n'écoute que la radio, parce que je suis un fan de la musique de Vivacité. Bien sûr. En tout cas, le nombre d'abonnements aux plateformes de streaming a fortement augmenté, plus 82% sur les 6 premiers mois de l'année. C'est vraiment beaucoup. Et justement, c'est l'objet de notre question sur la page Facebook du jour. Est-ce que vous écoutez la musique via ces plateformes en streaming ou est-ce que vous préférez le bon vieux CD? Bref, dites-nous tout sur notre page On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse, c'est pigeon au pluriel @rtbf.be. Très bien, le répondeur 070 222 660. Les SMS 30 63 50 centimes le message. Bravo, il triche, il triche, il regarde sur la feuille. Je ne triche pas du tout. Je ne triche pas. Vous aimez la bonne musique, alors vous allez être servi. Alors j'écoute du maïs TV. Et le temps. J'écoute du Miles Davis avec le groupe Navi, fera partie de la programmation ainsi que Strombelas. Ça met de bonne humeur ce truc, je trouve. Il y a un côté sympa. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Sur Vivacité, le titre J'ai le droit aussi. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Et si on lisait le courrier des auditeurs? Je suis un petit peu perturbé, Aurore, parce qu'il y a la robe qui tombe là et qui est l'épaule nue comme ça. Ça me perturbe un petit peu. C'est joli, hein, mais c'est un petit peu perturbant. Bon, Isabelle nous parlait de soleil hier. qui nous aide à, bah, notamment à synthétiser la vitamine D. Et on vous demandait si vous en aviez bien profité, oui, vous, sur la page Facebook. Et Léni nous écrit vitamine D. Je ne sais pas, mais en tout cas, ces jours-ci, j'en ai bien profité en balade ou sur mon balcon, mais avec de la crème solaire, bien sûr. Mais bon, pour moi, la vitamine D, ce sont surtout des ampoules que je dois prendre tous les 15 jours. Alors pour Jess, c'est plus compliqué puisqu'elle nous écrit « Je ne sais jamais faire le plein de vitamine D, je suis allergique au soleil. Après 2 jours en vacances, j'ai eu plein de gourmes, de grosses rougeurs sur tout le décolleté, les bras et le dos. » C'est con. Et bah oui, et ce, avec de l'indice 50, une horreur. Et puis Agnès nous écrit « Moi, je suis au bureau de 8h30 à 18h30. Alors le soleil, je n'en profite pas. Et en plus, je déteste la chaleur. Quand il fait chaud, les gens puent, la transpiration est dégouline. Sans parler des odeurs dans le bus, certains magasins, etc. Alors vive l'automne et l'hiver. » D'accord. Et en automne et en hiver, elle se plaindra qu'il fait froid, oui, et qu'il pleut. Oui, sans doute. Voilà. En télé, on vous parlait aussi d'un sac miracle pour emballer et conserver les légumes. Ça s'appelle le Végétabag. Ça a convaincu personne. Mais oui, pour Louise, rien de tel que mettre les aliments dans un linge humide en coton dans le frigo. Et ça ne coûte rien. Cathy nous indique que pour redonner un coup de jeune aux vieilles carottes, il est intéressant de les plonger dans l'eau. Attends. Ne attends, nous regardez pas. À partir de quel âge? On est une vieille carotte. Et puis l'eau, ça dépend si elle est chaude ou froide. Et puis Philippe nous a écrit... C'est vrai. Philippe nous a écrit, ce sont les végétaux incompatibles entre eux qui se détériorent, accélération de maturation à cause des gaz d'éthylène. Ce n'est pas nouveau, le fait de placer les différents fruits et légumes dans différents sacs plastiques normaux permet de diminuer ce problème. De plus, le fait d'emballer surtout dans le frigo permet de ralentir également le dessèchement, le flétrissement des salades. Sauf la salade, hein, parce qu'on a bien vu que quand même, malgré le frigo et la température basse, il était complètement... Ouais. Flétrie. Voilà, il nous dit que le chou-fleur, en tout cas, ça doit rester tout seul, ça s'emballe avec rien du tout. D'accord. Et puis on a trouvé la personne qui est contente du fameux système de peinture Brush Master qu'on décrivait en radio et qu'on a testé en télé au soir. Oui, c'est Jean-Yves qui nous écrit « Le système Brush Master existe depuis pas mal d'années. Cela se vendait via les téléachats dans les années 90. Il faut se faire au système, mais ça marche. Je m'en servais surtout pour les contours de fenêtres et de portes. Si je m'en sers encore, eh bien non, vu que je ne mets rarement en couleur, mais cela me plairait bien. » Continuez à nous dire tout et n'importe quoi sur la page Facebook ou entre en contact avec la rédaction via le mail. Oui, le mail c'est pigeon@rtbf.be. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyer un SMS au 30 63, ça coûte 50 centimes. Navi arrive après la pause et puis nous téléphonerons à Jacqueline qui a voulu faire régime et qui a perdu mais des sous, plutôt que des kilos. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Sévère. Eh oh, sévère. Quoi ? C'est vert, je te dis. Ah ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. La 2, en télé. Rentrez en région. sourire et en fanfare avec une équipe survitaminée. Bonjour Madame Milquet. Bonjour Monsieur Le Borgne. Les fripouilles ont pris le pouvoir. Ne manquez pas la rentrée du Grand Cactus ce jeudi sur la 2. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rose Saint-Genèse. Point BE. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Prisonnier de mon spleen. Ma peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. En fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime, ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige de supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Que tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Navi sur Vivacité avec J'écoute du Miles Davis. Gisèle, je lui ai dit, fais le régime Vetvatchers. J'ai déjà fait le régime Vetvatchers. Bah alors, t'as perdu combien? 3000 balles. C'est à peu près ça. Quand on parle de régime, j'ai fait un régime de 2 semaines, t'as perdu combien? Bah, j'ai perdu 15 jours. Et l'argent qui va avec. On revient sur le problème de Jacqueline. On évoquait ça quand? Je crois que c'était mardi. Elle voulait essayer un régime. En gros, elle avait vu une publicité à la télé, une publicité qui passait sur Facebook pour perdre du poids. Elle pouvait recevoir, si je me souviens bien, c'était une cure de plusieurs semaines gratuitement. Et à la fin, il y avait des sous, Annie. Hein. Oui, alors pour ça, elle devait aller sur le site. Elle renvoyait ses coordonnées, plus le nombre de kilos, bien le poids qu'elle voulait atteindre. Alors, elle a reçu les produits à la mi-juillet, elle est allée les chercher à la poste. Et donc, les produits, c'était pour faire une cure de 4 semaines. Alors, 79€ la semaine, vous multipliez par 4, on lui réclame maintenant 319€. Mais pour Jacqueline, les semaines étaient gratuites, et c'est pour cette raison-là, et uniquement cette raison-là, qu'elle avait envoyé ses coordonnées au site, parce qu'il était indiqué, sans engagement, voilà, gratuit. Donc, pour elle, tout était gratuit. C'était logique, on avait été faire un tour sur le site, ça paraissait normal. Bon, on donne un petit coup de fil parce qu'on avait essayé de joindre la société Comme J'aime, sans résultat, mais ils nous ont rappelé après l'émission de mardi en ligne. Nous avons Mathilde Canetti, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la cofondatrice et la directrice de la société. Voilà. Pourquoi vous réclamez aujourd'hui la somme de 319 € alors qu'à la base, notre auditrice, Jacqueline, elle croit faire une cure, un test de 4 semaines gratuitement? Alors, on va reprendre à l'intégralité des éléments du dossier de Jacqueline. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté que je puisse m'exprimer sur votre antenne, parce que c'est vrai que j'ai entendu... Alors, vous nous l'aviez proposé au départ, c'est vrai qu'on n'a pas pu décrocher, et donc c'est important pour nous de pouvoir réagir sur ce dossier. Je vais résumer un petit peu, parce que moi j'ai entendu pas mal de choses sur votre antenne qui m'ont un petit peu gênée. Et pourquoi ça vous a gêné? Parce que nous, simplement, on était sur le site, on a vu effectivement 4 semaines gratuites, et c'est là qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une facture de plus de 300 € après, quoi. C'est ça qui n'est pas logique. Tout à fait. Alors, oui, il y a eu pas mal de choses qui ont été... on a un petit peu réduit les choses, et donc, si on fait des raccourcis... Donc, expliquez-nous alors, expliquez-nous. Alors, donc, Jacqueline nous a contacté, elle a effectivement déposé un formulaire de contact sur notre site, qui est gratuit et sans engagement, donc elle nous laisse ses coordonnées et son objectif de perte de poids, et on la rappelle, ça ne l'engage à rien, bien sûr. D'accord. À l'issue Parlez bien dans le téléphone, parce qu'on ne vous entend pas bien, Madame Canetti. D'accord. Oui. Alors, à l'issue de cette demande de contact, nous avons recontacté Jacqueline. Elle a été contactée par Ingrid, qui est une de nos conseillères, pour faire un bilan par téléphone sur son projet. Okay. Donc, on a longuement discuté avec Jacqueline sur son objectif de perte de poids, ses motivations, ses allergies, etc. Et à l'issue de cela, Jacqueline a commandé un programme Comme J'aime de 4 mois. D'accord ? Donc, c'est un programme qui se fait pendant 4 mois minimum. Au-delà, ça continue, mais elle peut bien sûr arrêter quand elle le souhaite. Donc, dans ce programme 4 mois, alors je ne sais pas si vous êtes... Donc, ça veut dire que le fait de l'avoir accepté par téléphone, ça vaut signature, ou il y a eu un document qui a suivi? Alors, elle a reçu toute la confirmation de commande, elle a reçu tout ce qu'il faut. On a fait un long échange téléphonique avec elle pour parler de son projet et effectuer sa commande. Voilà, elle aurait pu la faire toute seule sur Internet. Là, on a choisi plutôt la voie du téléphone. Donc, on a chez Comme J'aime différents programmes et différents prix associés au programme. Jacqueline était plutôt sur un projet important au niveau de la perte de poids. Et donc, on l'a plutôt orientée vers un projet de long terme pour pouvoir atteindre ses objectifs complets. Annie, elle a une question. Oui, Mathilde, donc ça veut dire que quand on souscrit un abonnement de 3 ou une formule 3 ou 4 mois, on a, selon votre site, un mois gratuit. Tout à fait. Alors, en fait, si vous voulez, nos prix sont dégressifs en fonction du nombre de mois que vous choisissez. D'accord. Je ne sais pas si vous le voyez sur le site, si vous allez sur la partie mes prix, vous avez en fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, forcément, le 1 mois est plus cher que le 2 mois, qui lui-même est plus cher que D'accord. le 3 mois. D'accord. Donc, mais à la base, il n'y a pas 1 mois gratuit. Il y a 1 mois gratuit à condition de souscrire un abonnement plus long. Il y a l'équivalent, en fait, en fonction du nombre de programmes que vous choisissez, vous avez l'équivalent de... Alors, par exemple, si vous prenez le 2 mois... Oui, mais vous comprenez bien que quand on arrive sur votre site et qu'on voit 4 semaines ou 1 mois gratuit, ça peut être tentant, quoi. Alors, sur notre site, vous avez écrit gratuit et sans engagement sur le formulaire de contact. C'est-à-dire que ça n'engage à rien nos clients. C'est pas parce qu'ils nous donnent leurs coordonnées que ça les engage à quelque chose. Ensuite, au niveau des formules, vous avez effectivement plus... en fonction de votre fidélité, vous avez effectivement des remises. Et par exemple, vous voyez, si vous choisissez la formule 3 mois... D'accord, là, il y aura le... D'accord. Annie. D'accord. Si vous choisissez la formule 4 mois, vous avez l'équivalent... D'accord. On a compris D'accord. le principe. D'accord, Annie. Donc, vous m'avez envoyé la confirmation de la commande. Jacqueline, elle ne se souvient plus de l'avoir reçue. Elle nous a envoyé d'autres mails. Enfin, bref, maintenant, on se trouve dans une situation où on lui réclame 319 €. On peut comprendre que forcément le site réclame cette somme-là, mais que fait-on vis-à-vis de Jacqueline? Parce que la situation financière de Jacqueline, c'est quand même pas très folichon. Elle est familiale. Pour le moment, d'ailleurs, elle est au travail chez une personne âgée. Elle ne peut pas décrocher. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous, mais je sais qu'elle nous écoute. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose compte tenu du fait que, bon, c'est vrai que quand on est sur votre site, je l'ai fait moi-même, à certains moments, votre formulaire de contact, c'est gratuit. Et donc, quelque part, on peut se dire, ça va, on va tester un petit peu, sans se rendre compte que... C'est comme ça qu'on attrape des clients aussi, c'est facile. Est-ce que je peux intervenir? Rapidement. Juste, je vais faire rapide. Comme je disais tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'on fait un peu des raccourcis. C'est-à-dire, c'est comme si j'acquis une voix gratuite sans engagement. Elle reçoit un programme et puis deux mois après, on lui réclame le paiement. Il s'est passé énormément de choses entre ça. On a parlé très longuement avec Jacqueline. On a choisi avec elle son programme. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour elle, selon vous, on peut faire un truc pour elle ou pas? Oui, bah écoutez, nous on va l'appeler et on va lui faire voilà un geste commercial. On verra avec elle voilà ce qui convient. Mais si vous voulez, voilà, je pense qu'il y a eu un malentendu. Okay. Ce qui me gêne juste, c'est que. Et on va terminer voilà, avec ça. Je termine rapidement, promis. On est voilà une jeune société française. On est une société familiale. On est hyper sérieux, soucieux de nos clients. Généralement, c'est la première fois qu'on passe sur votre antenne. Si jamais il y a un malentendu, quelque chose avec nos clients, on le règle. Et donc, okay. Voilà, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais le sentiment que la conclusion de votre émission, c'était comme jamais malhonnête. On n'a jamais dit ça. On dit juste, nous, aux auditeurs qui sont des consommateurs, méfiez-vous des attrape-clients, entre guillemets, oui, qui vous disent attention, quand c'est un mois gratuit, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Il faut bien lire tout jusqu'au bout et comme ça, on évite les problèmes. Oui. Ici, on a compris que la société allait rentrer en contact avec Jacqueline. Ils vont s'arranger. Moralité, il faut lisez tout. Lire et ne pas vous engager trop vite. Et quand c'est un mois gratuit, vérifiez bien les conditions. Voilà, ça n'a peut-être pas été fait ici, donc la mésaventure de Jacqueline peut servir à tout le monde et merci à Mathilde. Après la pause, un classique justement qui s'appelle Classique et puis il y aura le journal de la conso. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h. Info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la web-série Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Hyundai, c'est Automézer. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils ont tout pour me plaire. Hyundai Automézer, 542 Chaussée de Louvain, proximité Mézère. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy. And you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict. An addict for your love. what it seems. I just keep living for dreams. And it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. Got a lot of classes. And I'm out of control. Got to write it in an attic. Truc sur Vivacité, c'était Adrienne Gurwitz en 1982 avec Classique. Un autre bon vieux truc sur Vivacité, Jean-Marc Strel. Oui. Comment ça se passe sur les routes? Ça se passe bien. On a quand même quelques derniers ralentissements sur la circulation extérieure du ring entre Strombeck et Wimmel vers Grand-Béguer. Il n'y a plus de soucis pour la circulation intérieure. Et puis quelques travaux sur le 42 Mons-Namur autour de Courcelles. Il y a des files depuis Chapelle vers les Mons sur plus ou moins 3-4 km. Un peu de patience donc en direction de Namur. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. bientôt 11h32, place au journal de la Conso et on apprend dans l'écho aujourd'hui que la COAP, le régulateur wallon de l'énergie, distribue les bons points aux... et les mauvais points aux... Les bons... Les... En fait, il distribue des points, en fait. Il distribue des points aux bons et aux mauvais élèves. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais vous l'avez très bien dit, ma foi. Il est question du délai de la régularisation des factures, c'est-à-dire le temps qu'il faut entre le moment où le fournisseur reçoit les relevés de compteur et le moment où il envoie la facture de régularisation. Le plus rapide, c'est Octaplus, qui met 7 jours et demi seulement. Et le plus lent, c'est Essent, pour qui il faut quand même 43 jours pour envoyer la facture. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est important, puisque c'est en fonction de ce relevé que la facture mensuelle va être adaptée par les consommateurs. Et c'est important aussi si vous devez recevoir des sous, bien évidemment. Hein. Là, c'est Mega, qui est le plus lent, 18 jours d'attente en moyenne, pour recevoir les sous juste devant Essent avec 17 jours, qui est décidément un mauvais élève. Et puis le plus rapide, c'est Eni, qui ne met que 4 jours pour vous rembourser les sous sur votre compte. C'est bien, c'est ça, bien. Ça c'est très chouette. C'est rapide. On poursuit avec un autre titre qui a attiré votre attention, c'était dans la DH. Il y a des voitures autonomes qui débarquent chez nous et les journalistes ont suivi un grand test hier. Oui, 30 véhicules dits autonomes étaient sur nos routes hier pour un trajet entre Bruxelles et Bornem. Ça fait 36 km aller-retour. Il y avait des Audi, des BMW, des Mazda, des Mercedes, des Toyota, des Lexus, des Volkswagen, Volvo et des Tesla. Alors leur particularité, c'est qu'elles sont équipées d'outils d'aide à la conduite, comme l'Adaptative Cruise Control, l'ACC, qui permet notamment de lâcher les pédales dans le trafic. Mais il y a aussi le Lane Keeping Assist System, LKAS, qui permet de rectifier la trajectoire dès qu'on franchit une ligne définie. Alors l'Institut pour la mobilité et l'Université d'Hasselt ont observé le comportement de ces voitures pour en tirer des conclusions. Il faut savoir que 90% des accidents de conduite sont dus à une erreur humaine, d'où l'idée de laisser la voiture gérer plus de choses elle-même. Bien sûr. Hein, et si ça tombe en panne? Et si la voiture fait n'importe quoi? Alors crache, justement, le problème, c'est s'il y a un accident, qui va être responsable dans l'histoire? On ne peut pas dire que ce soit le conducteur, puisqu'il n'est plus responsable de rien si ce n'est pas lui qui conduit. Non, il peut quand même reprendre le contrôle. Le code de la route prévoit, je crois, qu'on doit être à tout moment maître de son véhicule. Oui, alors ça, c'est dans le cas actuel. Mais justement, il y a une grande réflexion sur la législation en cas de voiture qui serait à 100% autonome, où là, le conducteur ne ferait quasiment plus rien à part s'asseoir dans la voiture pour savoir justement si ce serait le conducteur ou le constructeur ou même le garagiste qui est responsable de l'entretien du véhicule. Ah là, ça va être... ils vont être ravis, les garagistes. Cela dit, on va avoir du boulot dans les prochaines années, si c'est le cas. Autre prévu chose à pour rajouter non, prévu pour 2020-2025, les voitures 100% autonomes sur nos routes. D'accord. Bon, on va écouter de la musique en attendant de manière illimitée pour 5 euros par mois. L'offre sera bientôt disponible. Oui, il n'y a pas encore de date précise, mais on nous promet très prochainement une offre conjointe d'Amazon, donc le spécialiste des ventes par correspondance, et Pandora. Donc Pandora, c'est une web radio. Une offre de musique disponible en streaming pour 5 euros par mois. Alors la grosse nouveauté, c'est au niveau du tarif que ça se situe, puisqu'il y a déjà, hein, par exemple, Deezer ou des choses comme ça qui proposent du streaming. Mais en général, on tourne autour de 9 ou 10 euros. Donc là, on fait diviser par deux. En Belgique, on estime que 30% des personnes qui paient pour écouter de la musique le font via une plateforme de streaming. Le nombre d'abonnements à ce genre de service a d'ailleurs augmenté de 82% durant les 6 premiers mois de cette année. C'était le journal de la conso. Et on vous pose aussi une question sur Facebook juste, par vrai, rapport à ça. Ah oui, juste, j'ai oublié la page Facebook. Comment vous écoutez de la musique, vous ? Oui, est-ce que vous l'écoutez via justement ces plateformes de streaming ? Donc le streaming, c'est le fait d'écouter, on va dire, plus ou moins... C'est pas du vrai direct, mais c'est pas non plus... Vous ne sauvegardez pas dans votre ordi, si vous comprenez. D'accord. Hein ? Est-ce que vous écoutez comme ça ? Ou est-ce que vous écoutez sur un CD ? Ou vous écoutez peut-être juste la radio ? Dites-le nous sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. J'étais perturbé parce qu'il y a mon ventre qui gargouille. J'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai pris un petit déjeuner ce matin ? Parce que... Ben on se fait avoir. Hein. Qui a pris un petit déjeuner autour de la table ce matin ? Moi. Ali ? Moi aussi. Oui, ouais, oui, bah, écoutez, oui, moi aussi. Pourtant, les chiffres sont étonnants pour les enfants. Non, ils ne sont pas encore terribles. Hein, on en parle ça, après la pause. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi ? Ça, c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Réservez vos vacances dans nos boutiques. Bonjour, je voudrais des vacances en avion, au soleil et en all-in. Ou plutôt via notre site web. Alors, aviron, soleil et all-in. Lâchez-vous. Chez Neckermann, vous pouvez réserver votre voyage via les boutiques de vacances, le site web, via le chat ou en appelant la ligne de vacances. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Dans mon magasin de Roycebrook, je solde mes tapis pleins, vinyle, carpettes et papier peint et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Voir conditions en magasin. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture. Celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti. Chez Infiniti Brussels. 321 Chaussée de Louvain à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different. Be Infiniti. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. sur Vivacité avec le titre Spirits. On n'est pas des pigeons. Je veux pas vous vexer Isabelle, mais le petit déjeuner et son importance, c'est un sujet qu'on a déjà abordé des dizaines de fois dans cette émission. Oh oui, au moins ça, mais visiblement, il faut encore et toujours en parler parce que le message ne passe pas vraiment. Il y a une étude qui vient de sortir cette semaine et qui montre qu'il y a encore quand même et toujours un enfant sur cinq qui ne prend pas de petit déjeuner. C'est quand même encore beaucoup. Hein. Ah, c'est beaucoup. D'ailleurs, bon. Ici autour de la table, ouais. On a toutes dit oui. Oui, moi aussi. Vous avez dit oui. Oui, j'ai le ventre qui gargouille. Tu veux savoir ce que j'ai mangé ce matin? Oui. Alors, j'ai mangé un yaourt nature grec. Oh, ne mentez pas. Je te jure, franchement. Mais généralement, vous venez ici avec une brioche. Eh ben oui, mais j'ai décidé de changer. Donc, yaourt et un kiwi et deux grosses prunes. Ça, c'est pour ça que j'ai faim maintenant. Si je m'étais mais pris deux bonnes grosses prunes. Mais il vous manque un peu de féculents, c'est pour ça. Une mais petite non, tartine mais de pain grillé en noix. Non, bon. Bon, et vous avez mangé quoi? Tu fais le mamie du pain avec du saumon fumé, moi, ce matin. Ah bah dis donc, oui. J'imagine et les gens qui nous écoutent se disent mais on s'en fout. Oui, c'est vrai. Bon, alors vous avez décidé de donner plein de chiffres. Ça oui, parce que donc cette étude nous dit aussi qu'un enfant sur 6 mange, déjeune devant la télévision ou un autre écran, c'est bien, c'est pas bien, on peut se poser la question. Seulement un enfant sur 5, contrairement à vous Sébastien, consomme régulièrement un fruit frais le matin. 6 parents sur 10 donnent quand même le bon exemple en prenant eux-mêmes un petit déjeuner le matin, mais heureusement pour nous sauver, il y a Rihanna. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans la chronique, la chanteuse Rihanna? Eh bien, figurez-vous que cette semaine, elle a partagé sur Snapchat une vidéo où on la voit en train de préparer un fabuleux petit déjeuner pour toute son équipe. Banane plantain, bacon, des œufs, toast grillé. Bon, je ne suis pas sûre qu'elle le fait tous les non, jours. Non, non plus, je doute. Alors, si on veut bien commencer la journée, on prend quoi comme petit déjeuner, Isabelle? Bon, on va faire appel à l'équipe. Hein. On va appeler une de nos diététiciennes favorites, Véronique Liès. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors d'abord, pourquoi c'est aussi important de prendre un petit déjeuner? Mais c'est important parce qu'on a été à jeun pendant la nuit, hein, a priori. Et donc, c'est le meilleur moment pour recharger ses batteries. Et alors finalement, bon, on l'a entendu, Sébastien a pris un petit déjeuner fabuleux ce matin, mais c'est quoi le bon petit déjeuner? Et en plus, est-ce que ça ne demande pas trop de temps de préparer un bon petit déjeuner? Non, ça ne prend pas plus de temps de préparer un bon petit déjeuner qu'un mauvais. Alors un bon petit déjeuner, a priori, il est composé de glucides complets, donc du pain plutôt complet pour les fibres, pour la satiété. Et puis on va surtout éviter d'y mettre une garniture sucrée, puisqu'on a besoin de protéines le matin pour relancer la synthèse de certains neurotransmetteurs. Donc un neurotransmetteur, c'est ce qui nous permet d'être concentré, d'être motivé, d'être attentif. Ça régule aussi notre satiété, donc on aura moins de petits creux dans la matinée. Et un petit déjeuner doit bien sûr se composer aussi d'une boisson, parce que l'hydratation est elle aussi très impliquée dans notre capacité d'apprentissage et d'attention. Et pas un soda, hein, je suppose, la boisson. Et pas un soda. Donc bien sûr, à base d'eau, donc que ce soit de l'eau ou un petit peu de thé, ou voire même un café, si on n'en abuse pas, il n'y a aucun problème. Bien sûr, pas pour les enfants. Mais donc voilà, a priori, ça c'est vraiment un bon petit déjeuner, un pain de qualité qui a sur de l'énergie longtemps avec une source de protéines. Mais donc, un petit peu de jambon. J'ai envie de dire, parfois c'est un peu facile à dire, mais on a tous été confrontés à ça. Un enfant qui le matin se lève et dit « j'ai pas faim, j'arrive pas à avaler la moindre chose ». On fait quoi dans ces cas-là? Alors, c'est certain que forcer un enfant à manger, c'est certainement pas l'idéal, mais la plupart du temps, ces enfants sont des enfants qui vraisemblablement sont rentrés dans le cycle où, justement, ils ne mangent pas le matin parce qu'ils ont mangé trop le soir. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de progressivement corriger ça en donnant un repas plus léger le soir. Pour donner un repas plus léger le soir, il faut veiller à ce qu'il y ait un bon goûter. Et donc, contrairement à ce qui est fait malheureusement en pratique, un enfant a priori n'a pas besoin d'une collation dans la matinée. Par contre, il a besoin d'un véritable repas à 4 heures qu'on appelle le goûter et qui lui permettra justement de manger plus légèrement le soir, de mieux dormir la plupart du temps et d'avoir plus faim le matin. D'accord, bah c'est voilà, on a pris. Alors on en a pris quand même, on croit toujours tout connaître sur le petit déjeuner, mais on ne connaît pas tout. Merci Véronique.

Corneille en 2004. C'était Parce qu'on vient de loin. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Demain, on entre dans la semaine de la mobilité et on cherche des alternatives à la voiture individuelle. Saskia est là pour nous proposer un bon plan. Oui, alors vous avez peut-être une voiture que vous n'utilisez pas souvent ou qui reste dans votre garage et en plus ça vous coûte cher. Et bien moi, je vous propose quelque chose, c'est de partager votre voiture avec vos voisins. C'est l'idée de Cozy Car. Et c'est, alors déjà, il faut avoir confiance en ses voisins. C'est quoi le concept ? Et ben, le concept est assez simple. C'est celui qui fait du car sharing, donc de l'autopartage, partage une voiture avec d'autres particuliers. Et on n'utilise donc la voiture que quand on a besoin et le reste du temps, elle est à disposition des autres. Le but, c'est aussi de faciliter le partage de voitures entre membres d'une même commune ou d'un même quartier. Et lorsqu'une voiture est à l'arrêt, et bien un voisin ou un ami peut l'utiliser. Et en plus, c'est quand même l'occasion de faire connaissance avec vos voisins et qui sait, plus si affinité. Ah, c'est donc ça. Je vais essayer. Comment ça fonctionne ? Et ben vous devez d'abord devenir membre sur le site et là vous aurez accès aux coordonnées des personnes qui sont dans des groupes de car sharing près de chez vous. Et par rapport aux frais d'utilisation, et bien vous payez le carburant que vous utilisez et une autre partie des autres frais liés au véhicule comme l'amortissement, les taxes, l'assurance, l'entretien et tous ces coûts en fait sont répartis entre les membres du groupe selon leur utilisation de la voiture. Donc en gros, si vous utilisez beaucoup la voiture, vous paierez plus et si vous l'utilisez moins, bah logiquement vous paierez moins. Alors, reste la grosse question, les assurances. Comment ça se passe s'il y a un problème ? Eh bien, ça se passe assez bien parce que Cozy Car offre une police d'assurance voiture personnalisée. Et grâce à ça, vous êtes certain que chaque membre de votre groupe de car sharing est correctement assuré. Alors là, vous allez me demander, mais par exemple, pour les bonus-malus, comment ça fonctionne ? Ouais. Eh bien, c'est lié à la personne et non à la voiture. Donc, en cas d'accident, le bonus-malus du propriétaire de la voiture n'est pas affecté. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut participer ? Parce que je sens que ça titille tout le monde. Eh bien, en plus des frais donc, de la voiture qui varie en fonction, donc comme je disais, de l'assurance, des taxes, de l'amortissement, eh bien, il y a une cotisation annuelle de 10€ par personne et il faut avoir un permis de conduire de minimum 2 ans. Donc pour récapituler, il y a 2 options. Soit vous avez une voiture et vous avez envie de la partager pour diviser les frais et donc vous mettez votre proposition sur le site. Ou alors vous n'avez pas de voiture mais vous ne voulez pas non plus en acheter mais vous en avez quand même besoin de temps en temps. Donc vous faites une demande pour participer à un groupe de car sharing près de chez vous. Mais c'est une bonne idée hein, parce que moi je dois repayer l'omnium de ma caisse. Je te jure que là, tu as envie vous de partager rien les frais. T'as pas envie de payer avec moi. Non, ça va, merci, je suis servie. Bon, non, mais c'est un bon moyen de faire des économies. Oui, quoi, c'est un bon moyen. Et puis en plus, Cozy Car organise régulièrement des événements où leurs futurs autopartageurs, comme ils disent, peuvent se rencontrer. Donc si vous voulez plus d'infos, allez sur leur site. Bon, c'est peut-être le bon plan du jour. Si vous avez une voiture que vous n'utilisez pas souvent, partagez-la sur le site de cozycar.be. On va aller gentiment jusqu'au top de midi avec de la musique. Et cette musique, c'est celle d'Adèle, extrait de l'album 25. C'est le nouveau single « Send my love to your lover ». Pourquoi ils font des trucs compliqués en anglais ? C'est difficile, hein ? This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love. No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. J'ai pas les amis, les infos de midi arrivent. Dayway Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meis et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meis et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dayway Car Center. Sur la une, dépassement de soi, émotion, performance, Viva Rio les Paralympiques, votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange, tous les jours après le JT, sur la une. Voir et revoir, rtbf.be/ovio. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vous êtes marcheur, vététiste ou coureur à pied? Vivacité présente le 5e Éco-Trail de Bruxelles. Une course 100% nature sur 9, 18 ou 80 km. Rendez-vous le 24 septembre au pied de l'Atomium. T-shirt et repas offerts à tous les participants. Info, ecotrailbrussels.com. Avec la DH, Moustique et le magazine Zatopek. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Attention, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui ou aller chercher un proche à l'aéroport, il y a des retards, surtout à l'aéroport de Zaventem. Le trafic aérien belge est perturbé depuis ce matin. Le secteur est concerné. En cause, un problème au niveau du réseau de communication. Le fournisseur travaille à une solution. Dominique Dehaene, le porte-parole de Belgo Control. Pour l'instant, les avions dans le secteur est ont des retards en moyenne de 40 minutes. Évidemment, on travaille à une solution au plus vite pour regagner la capacité totale. Pour l'instant, on en est à 133 vols qui seraient impactés d'ici 2h20. 2h20 cet après-midi. Cet après-midi. Si on peut trouver une solution avant, évidemment, on peut regagner la capacité totale. Mais pour l'instant, je ne peux vous dire quand est-ce que le problème sera résolu. Dominique Dehaene, le porte-parole de Belgo Control, interviewé par Romain Bardet. Et quelques précisions concernant les retards à l'aéroport de Charleroi. Au moins 4 vols sont retardés au départ, 6 à l'arrivée. 2 vols ont été déviés vers l'aéroport de Francfort. Des dizaines d'emplois à nouveau menacés, cette fois chez Jacobs Douwegberg, 274 emplois au total. Le producteur de café souhaite fermer son site de Grimbergen dès le mois de janvier prochain. Pour l'instant, pas encore de décision définitive. Le groupe justifie ce choix dans le cadre de sa stratégie, celle d'optimiser ses capacités de production et de distribution. Jacobs Douwegberg a notamment précisé que le marché belge restait une priorité. Sept hommes et cinq femmes, c'est la composition du jury pour le procès Bernard Westphal devant les assises du Hainaut. C'était ce matin à Mons. La composition a duré plus de deux heures. Près de 200 candidats jurés avaient été convoqués. En plus des 12 jurés, 5 suppléants ont été désignés. Bernard Westphal est accusé du meurtre de sa femme Véronique Piroton. Ce matin, à son arrivée à Mons, l'ancien député wallon s'est exprimé brièvement. Je me suis fixé une ligne depuis deux ans, c'est-à-dire de ne rien dire et de réserver mes propos, mes explications devant la cour d'assises et devant les jurés. Et je ne vais pas déroger à cette règle. Donc, je ne ferai aucun commentaire après ni pendant. Je vais réserver vraiment ce que je crois être ma vérité à moi, aux jurés et à la cour d'assises. Ça un soulagement d'hier. Je ne souhaite pas aller plus loin, sinon je dépasserai le cadre que je me suis fixé. Donc je veux respecter l'institution judiciaire. Sur votre état d'esprit, vous êtes serein ce matin? Comment voulez-vous être serein après une telle boucherie médiatique? Bernard Westphal à son arrivée à son procès ce matin au micro de Fabrice Gérard. Le procès commence réellement lundi avec la lecture de l'acte d'accusation et l'interrogatoire de l'accusé. Le procès durera trois semaines. Programme chargé ce soir en football. Quatre clubs belges jouent en Europa League. Premier match des phases de poule. Deux clubs accueillent chez eux. Le Standard qui reçoit les Espagnols du Celta Vigo et Anderlecht, les Azeris de Kabala. Les deux autres équipes belges sont en déplacement. Genk à Vienne en Autriche et la Gantoise à Braga au Portugal. À suivre en direct sur Vivacité, bien sûr, avec Vivasport spécial Europa League, donc dès 19h. Tianbao, c'est le nom en chinois mandarin du bébé panda de Perry Daiza, traduction en français étoile du ciel. Baby P, il ne faut plus l'appeler comme ça donc maintenant, mais a été baptisé comme le veut la tradition chinoise lors de son 100e jour. Un point sur vos conditions de circulation avec Jean-Marc Strel. Il y a un accident sur la E40. Oui, en stand Bruxelles, au kilomètre 46.7, à hauteur de Westrem-Saint-Denis, bande droite neutralisée en direction de Bruxelles. Sur le ring extérieur, la circulation est quelque peu ralentie entre Strombeek et Wemel vers Grand-Bégard. Pas de problème si vous êtes actuellement en circulation intérieure. Et puis, un accident s'est produit à Anderlecht sur le boulevard industriel en direction du Midi avec une circulation fortement ralentie. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous retrouvez Sébastien Nolvo et toute l'équipe dont N'est pas des pigeons. Merci sur Vivacité. Si Justine, bel après-midi. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Voulez-vous le programme de cette deuxième heure? Oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Eh bien, il y a Sybille qui viendra nous dire si les babyphones sont dangereux pour la santé des bébés. Là, ça va peut-être inquiéter pas mal mamans, de monde. Des mamans, oui, et des papas. Valérie pensait profiter de son Walibi Golden Pass allègrement, mais Annie, au final, elle n'a pas pu l'utiliser souvent, son Walibi Golden Pass, pour rentrer dans le parc. Elle ne peut pas l'utiliser, alors qu'il est mis sur le site que c'est un accès illimité, 365 jours, parce qu'elle a pris un cher. Mais comment ça se fait, ça? Ah, ben on va le voir, hein, on va l'écouter surtout. La semaine de la mobilité commence demain, on vous l'a dit déjà il y a 10 minutes, mais on fera le point sur ce que le mot mobilité veut dire en Wallonie. Et puis, on vous pose une question sur la page Facebook, ça concerne la musique. Oui, on vous demande si vous utilisez de la musique via les plateformes de streaming. Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que vous préférez le CD? Jean-Philippe, par exemple. Ou le vinyle. Ou le vinyle, exactement. Et Jean-Philippe nous dit justement que la musique, il l'écoute sur une chaîne hi-fi de qualité avec un support de qualité. Le MP3 et ses concurrents, c'est pour la voiture ou l'ordi, mais pas pour écouter, juste faire du bruit. N'hésitez pas à faire comme Jean-Philippe et tous les autres. Réagissez sur la page Facebook, on vous lira dans quelques instants. Tu voulais rajouter un truc? Le mail, pigeon@rtbf.be, le répondeur 070 222 660. Côté musique, il y aura Robin Thicke. C'était le clip où les filles étaient vachement dévêtues, si je me souviens bien. Je ne souviens vois pas plus de la chanson, vous mais parler. Le clip, il est resté dans la tête. Kungs aussi. Ça me fait penser que je vais aller revoir le clip, tiens, là-dessus. Bon. Sacré Sébastien. Dites, bon appétit si vous passez à table. Vous êtes sur Vivacité, si on n'est pas des pigeons, jusqu'à 13h. Et un clip dans lequel il y a Pamela Anderson. C'est ce qu'Isabelle. Parce que j'espère est... que je me suis pas. Non, c'est elle, on est en train de regarder. Et ça, elle arrive loin, elle arrive à 2 minutes 30 sur un clip de 4 minutes 30, elle arrive très loin. Elle a une très jolie robe. Elle se baigne dans le lac. Je ne sais pas, on n'a pas encore été jusqu'au bout. Pour l'instant, elle embrasse. Ouh, elle l'embrasse. Ouh là là, c'est chaud, c'est chaud. On est en train de. On est en train de décrire un clip vidéo à la radio. Voilà, on en est là, oui, on en est là. Bon, on passe à la suite peut-être. Vivacité. Pas des pigeons. Alors pour tous ceux qui l'ignorent encore, à partir de ce vendredi, c'est la semaine de la mobilité. C'est drôle qu'une semaine commence un vendredi. Bon, pourquoi oui, bon, pas, mais en même temps, on s'en fout. Le but, c'est qu'elle alors, soit... dimanche, à Bruxelles, il y a quoi ? Journée sans voiture. Et autant dire que je me casse. Parce que ça, j'allais c'est, dire, voilà. Détesté par les hommes, moi j'allais pas donner de nom, mais voilà, si vous le dites. J'assume. Et adoré par les autres. Et puis alors, il y a aussi... en Wallonie, toute une série d'événements qui vont être organisés. Ben on va parler de tous ces événements avec Alice Gobier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication au service public de Wallonie. Vous vous attendez à un record de participation cette année à cette semaine de mobilité? Bah, il est déjà battu puisqu'on a 220 actions qui sont organisées dans toute la Wallonie et on n'en a jamais eu autant. Il y a 87 communes qui participent, c'est plus ou moins une commune sur trois. Donc c'est vraiment une super édition cette année. Alors, votre thème, hein, je vous cite, la multimodalité à l'honneur en Wallonie. Dites, ça veut dire quoi en fait exactement? Bah, c'est plutôt essayer de se rappeler que quand on dit semaine de la mobilité, on ne vous demande pas d'abandonner votre voiture pendant une semaine. C'est pas du tout l'idée. C'est plutôt repenser chacun de vos trajets. Voilà, est-ce qu'il n'y en a pas un que vous pourriez faire en vélo, en transport en commun, ou est-ce que vous ne pourriez pas faire du covoiturage pour aller conduire vos enfants à l'école? Enfin voilà, c'est vraiment essayer de se dire que se déplacer, ce n'est pas uniquement un mode de transport, c'est tous les modes de transport combinés. Oui, mais c'est pas facile. Tous les jours, je pense à un sujet qu'on a fait lundi dans On n'est pas des pigeons à Villers-la-Ville, où il y a 5 km entre l'arrêt de bus et la gare, et il n'y a rien entre les deux. Donc tout voilà, c'est pas facile tous les jours. Oui, j'allais dire, c'est pas applicable partout, dans toutes les communes. Il y a quand même encore toujours certains freins, c'est le cas de le dire, hein, pour cette multimodalité. Mais depuis l'année dernière, donc, il y a quand même, on a dit, toutes les actions qui sont menées pour favoriser tout cela. Et vous avez mis du côté de Wallon une application de covoiturage, Common, ça s'appelle, et ça marche comment concrètement? Common, c'est une application en fait qui regroupe tout un panel de différentes sites internet de covoiturage, notamment celui de Taxi Stop, de Carpool et tout ça. C'est en fait mettre tous les gens en contact pour pouvoir faciliter le covoiturage. Donc ça va vraiment aider les gens à soit de se définir comme chauffeur, soit de se définir comme passager, et ça va les mettre en contact pour qu'ils puissent faire leur trajet ensemble. Et ça marche? Vous avez eu des résultats satisfaisants par rapport à ça? Franchement, c'est en augmentation constante, on a de plus en plus d'inscrits. Quotidiennement, il y a plus de entre 2500 et 3000 annonces qui sont publiées tous les jours pour des gens qui font des trajets et qui cherchent d'autres personnes avec qui les faire. Alors, il y a vraiment de quoi faire pour ceux qui veulent faire du covoiturage. Alors, vous m'avez aussi parlé d'un nouveau métier, le Mobility Manager. Et quoi, ça sert à quoi? Et est-ce que c'est dans toutes les entreprises que ça existe? En fait, c'est un peu un nouveau métier, comme vous le dites si bien. Ce sont des gens qui vont être reconnus dans leur rôle de Mobility Manager. Donc, c'est souvent quelque chose qu'ils faisaient déjà un peu sur leur temps de midi ou quand ils avaient une heure à consacrer à ça, c'est aider leur entreprise à améliorer la mobilité. Donc, aller proposer en entreprise du covoiturage, sensibiliser les collègues à essayer le vélo ou le vélo assistance électrique, essayer de développer des infrastructures. Il y a des entreprises, elles n'ont pas de douche, donc quand on arrive le matin et qu'on est venu en vélo, on est tout transpirant, ben voilà, avec des douches, on pourra se rafraîchir. C'est vraiment tout ce rôle de mobilité manager, on les forme à améliorer la mobilité en entreprise. D'accord, alors la semaine de la mobilité commence demain un petit peu partout. Vous avez parlé de 87 communes, de plus de 200 actions côté Wallon. Il y a un site internet qui regroupe tout ça? Oui, il y a un site internet, c'est semainemob.be. Et pour répondre à votre petite question de tantôt, pourquoi est-ce que la semaine commence un vendredi? Eh bien, ce sont des dates européennes, du 16 au 22. C'est toute l'Europe qui améliore sa mobilité. Eh bien, on a bien fait de vous téléphoner. Merci Alice Gobier, on va passer à la suite dans cette émission. La suite, c'est Robin Tick, et puis on s'intéressera aux babyphones en se posant une question: sont-ils dangereux pour la santé des enfants? Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Ce message s'adresse à vous qui travaillez durement pour votre argent ou disposez d'actions depuis longtemps. Vous qui ne savez plus comment gérer vos investissements dans ce contexte aussi changeant. Pour vous, CBC met à disposition des conseillers qui vous feront des recommandations sans se défiler, tenant compte de l'actualité et des avis de nos analystes financiers. Investir? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Moi, j'aime recevoir les amis, les voisins. Et grâce à notre délicieux rôti de carré de porc, vous allez aussi recevoir des compliments. Ah ouais, monsieur Marc, oh, que vous êtes beau et tendre. Enfin, petit, c'est de moi que tu parles. Non, c'est du rôti, voyons. Hein, ah oui. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre délicieux rôti de carré de porc est à 5,99€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez.

Et même chose, il y a même des objets auxquels on n'aurait pas forcément pensé et qu'on place pourtant tout près des plus petits. On parle des babyphones. Exactement, avec les 124 000 bébés qui naissent par an en Belgique, ben le marché du babyphone, il a deux beaux jours devant lui. Alors ces dernières années, on a vu ces objets devenir de plus en plus sophistiqués. À la base, on avait un babyphone dit analogique qui retransmettait simplement la voix. Maintenant, on est passé au numérique, donc on a l'image en plus du son, plus toutes sortes de gadgets, comme par exemple un indicateur de température ou un effet veilleuse. Alors ces babyphones numériques qui transmettent plus d'informations, je suppose qu'ils transmettent également plus d'ondes. C'est mauvais pour les bébés, ça ? Ça, c'est la question en or à laquelle il est assez difficile de répondre. Alors notre journaliste Véronique Fouillat a enquêté pour nous et a interrogé un physicien, Pascal Nardone. Il faut bien dire qu'il relativise. Il nous explique que ces ondes radio, elles sont en fait de faible énergie et qu'elles n'ont qu'un impact mineur sur la santé. Ces babyphones, ils ont également une faible puissance. On est autour de plus ou moins 10 milliwatts et du coup, ça ne peut pas occasionner de réels dommages sur la santé. Tous les spécialistes sont du même avis ? Ah non, pas du tout. Il y a un véritable débat autour de cette question et c'est un débat qui dépasse un peu la question de la nocivité du babyphone. On aimerait en savoir un petit peu plus sur ces ondes électromagnétiques au niveau de leurs effets sur les enfants, vu que ces enfants, ils sont exposés de plus en plus tôt. Parfois, ça démarre déjà dans le ventre de la mère. Et on sait qu'ils y sont aussi plus sensibles à cause de différences morphologiques et anatomiques. Ils ont par exemple les os du crâne plus fins et leur cerveau qui est encore en cours de développement. Et le débat, il en est où là, aujourd'hui ? Alors en France, cet été, c'était super intéressant. Il y a l'ANSES, donc c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui a publié un gros rapport à ce sujet. Un rapport qui reprend vraiment toutes les études scientifiques publiées jusqu'à ce jour et malheureusement, les conclusions ne sont pas claires. Alors, il cite « Les données actuelles ne permettent pas de conclure à l'existence ou non d'effets chez l'enfant au niveau de différents systèmes, comme le système reproducteur, immunitaire, ni d'effets cancérogènes. Les seuls effets qu'ils ont prouvés portent sur les fonctions cognitives, donc c'est-à-dire la mémoire, la concentration et également sur le bien-être, avec des enfants qui seraient donc plus fatigués, plus anxieux. Alors, à côté de ça, on a l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, qui ne nous aide pas beaucoup plus, parce que depuis 2011, elle classe les ondes électromagnétiques dans la catégorie des agents peut-être cancérogènes pour l'homme. Mm-hmm. Donc voilà, on n'en sait toujours pas plus. En attendant d'y voir peut-être plus clair, autant appliquer un principe de précaution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de s'exposer constamment, nous et surtout nos enfants, aux ondes électromagnétiques ? Ben alors, quand ils sont bébés, on va conseiller d'acheter plutôt les babyphones analogiques, on l'a dit, pas les numériques qui donnent au final des informations relativement superflues. On conseille de placer son babyphone à plus d'un mètre de la tête du nourrisson, d'acheter plutôt un modèle Vox, donc c'est-à-dire qui ne se déclenche qu'à la voix, qui n'émet pas en permanence. Et alors, quand vous avez des enfants, on évite quand même de placer des appareils électriques dans la chambre et on limite le plus possible leur accès au téléphone, smartphone et jouets radio télécommandés. On répétera ces bons conseils ce soir à la télé à partir de 18h30, évidemment. En attendant, extrait de l'album In Extremis, c'est Francis Cabrel avec Le Pays d'à Côté. Quand la terre se fendit, c'était sous le règne des bandits qui avaient tout défiguré. Chaque ville entourée par son cortège de hangars, ses parkings alignés. Les autoroutes étaient pleines de camions en file indienne, de convois bloqués au péage. On se parlait presque pas et chacun pressait le pas, son écran au ras du visage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Séparés par croyance, les leçons d'autodéfense, les rues interdites d'entrer. La fumée ou le brouillard, impossible de savoir, chaque soir plus épais. On noyait dans du plastique des repas automatiques que la mer rejetait sur les plages. Braves gens dignitaires, tout le monde laissait faire par profit ou manque de courage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Sous les pieds bousculés des moutons qui s'affolent, le berger à genoux qui cherche la boussole, et les loups affamés qui attendent au grillage. Tombé

médiatique. On s'intéresse aussi à 13h aux manifestations contre la loi travail, xème manifestation dans tout le pays et notamment à Grenoble où se trouve le siège français de Caterpillar. Des travailleurs de Gosselies étaient sur place et nous aussi, reportage dans le journal de 13h et puis à 13h bien sûr on va baptiser aussi le petit panda. Il s'appelle Trésor du Ciel, Tianbao, c'est son nom. C'est mignon, hein? Oui, c'est mignon. Pour le baptême, il y avait quand même un ministre fédéral, l'ambassadeur de Chine en Belgique, Baby Panda, Tianbao, n'a pas dit un mot. On vous raconte tout ça dans le journal de 13h. Et c'est qui le parrain et la marraine? On peut? Ah ben ça, je n'en sais encore rien. Allez. À 13h, peut-être vous le saurez. D'accord, à tout à l'heure, 13h, Manu. On n'est pas des pigeons. Vivacité et le titre, c'est This Girl. Et c'est quoi ton problème? Nous? On s'entend bien avec tout le monde au quartier. Si je vous dis Wavre, Limal, Bierge, ça vous fait penser à un truc? Walibi. Et j'en suis? Baba. Ah bah évidemment. Valérie, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes aussi complètement Baba de Walibi Bibi, on est d'accord? Je n'en suis plus trop, non. Non, mais avant, vous et vos enfants, allez faire un petit tour là-bas, c'était sympa. Oui, au mois d'avril, vous avez acheté le Family Golden Pass pour toute la famille. Exactement. Et vous n'avez pas pu l'utiliser très souvent. C'est fâcheux pour un truc illimité d'accès dans un parc. Pourquoi vous n'avez pas pu l'utiliser très souvent? Écoutez, parce que Walibi déroule le tapis rouge aux entreprises, c'est celles qui le mettent sur leur site internet, et ça veut dire que dans ces cas-là, vous arrivez aux caisses de Walibi le matin, alors aujourd'hui on va faire une file interminable pour un contrôle de sécurité, et puis vous arrivez à l'entrée, aux accès de Walibi, et puis vous voyez refuser l'accès parce qu'aujourd'hui le parc est complet, il est réservé pour une entreprise. Oui, mais c'est pas tous les jours, ça Valérie. Par exemple, dimanche dernier, vous auriez pu y aller. Voilà. Non, en fait, dimanche dernier, nous avons acheté le pass Golden Pass, principalement pour aller à l'Aqualibi. Oui. Et donc, c'est une activité qu'on aime bien faire le dimanche matin en famille. Et donc, on est arrivé au parc à 10h, et puis on nous a signalé, alors on aurait pu avoir accès à Walibi, mais l'Aqualibi était privatisé jusqu'à 11h30 pour une entreprise. Donc, on aurait pu revenir. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a des emplois du temps qui nous empêchaient de revenir cet après-midi. Ah oui, d'accord, oui. Encore une fois, c'est un week-end foutu. À Walibi. Bon, aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas envie d'aller à Walibi aujourd'hui ? Je pense qu'il est fermé le jeudi, le Walibi. C'est pas ouvert toute la semaine. D'accord, c'est vrai qu'on est déjà en fin de saison, c'est le week-end. Vous en voulez à la direction sur ce coup-là ? J'en veux à la direction, d'autant que j'ai même pas pu la rencontrer. On a été redirigé vers le desk info de Walibi, où le monsieur très gentil est parfaitement submergé parce que d'autres gens étaient venus réclamer comme nous signalaient. Ben, on a demandé de parler à la direction, on nous a dit la direction n'arrive pas à ce heure-ci. Bon, ok. Et puis alors ensuite il a appelé par un interphone le responsable de l'Aqualibi, qui nous a reçus mais d'une manière exécrable, en nous disant vous n'aviez qu'à regarder sur le site internet. Ok, bon Annie, Annie aussi est fan de parc d'attractions. Oui, je suis fan. Bah, écoutez, ça ne sert à rien d'aller aujourd'hui, effectivement c'est fermé, demain non plus, parce que c'est aussi fermé, voilà. Alors, quand on est sur le site de Walibi, il est mis pour les abonnements, parce que vous avez un Family Golden Pass, ça coûte quand même 349€. Ah oui, quand même, oui. Alors, il est mis accès illimité pendant un an, 365 jours, c'est bien inscrit, sauf les 31 octobre et 1er novembre. Les abonnements ne donnent pas accès au parc quand il affiche complet. C'est ce qui est mis sur le site. Seulement, quand on achète un abonnement, on se dit on va pouvoir y aller souvent. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit, entre guillemets, pénaliser les clients consommateurs qui ont décaissé quand même pas mal d'argent pour acheter leur pass et privilégier quelque part les journées entreprises où il y a des centaines de gens qui vont se ruer dans le parc. Alors, c'est une question qu'on pose, mais quelque part, c'est peut-être aussi tromper les gens sur la marchandise, parce qu'on leur dit accès limité, ça sous-entend que samedi, dimanche, on peut y aller. Ouais, tout le temps, quoi. Peu importe qui est des entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Voilà. On va donner un petit coup de fil au Kangourou. Nous avons la porte-parole de Walibi en ligne. Bonjour Tiffany Mesdag. Bonjour. Alors, le Golden Pass accès illimité ou pas finalement ? Oui, donc le Golden Pass c'est illimité sauf pour les journées sold out. Mais donc les personnes qui achètent un Golden Pass, quand ils reçoivent un voucher, quand ils achètent, et sur le pass définitif, il est aussi marqué que le pass ne donne pas accès au parc lorsque le parc est sold out. Et on communique clairement sur notre site web et aussi par mail personnel à tous nos abonnés du Golden Pass quand le parc est sold out, et on fait ça quelques semaines à l'avance. Donc voilà. Mais est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous pouvez comprendre la réaction par exemple de Valérie qui a 3 enfants, qui travaille, donc qui peut se libérer que le week-end, et que le week-end soit justement réservé à des entreprises, ou en tout cas Aqualibi le 11 septembre était bloqué pour la société Wallonne des Eaux jusqu'à 11h30. Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens qui ont payé plus de 200€ pour un pass, 349€, oui, s'énerve un petit peu? Est-ce que il n'y a pas moyen de trouver une autre solution pour permettre quand même à tous ces gens de pouvoir avoir accès au parc? Alors voilà, les entreprises ont déjà bien sûr découvert le parc et ils savent très bien que c'est un chouette endroit pour organiser une fête d'entreprise, mais on parle ici de 2 à 3 journées par an de soldats. On essaie vraiment de limiter ça à 2-3 journées par an. Oui, Valérie, vous entendez ça 2-3 journées par an. Vous avez acheté votre pass en avril 2016. Est-ce que vous savez me dire combien de fois vous n'avez pas pu aller quand vous vous êtes présenté, que c'était sold out ou réservé? Le 15 mai, le 4 septembre et le 11 septembre, donc deux week-ends d'affilée au mois de septembre. Alors c'est sûr que c'est, les sociétés pourraient privatiser toute l'année, mais bien sûr elles vont faire lorsqu'il y a du beau temps, et c'est la même raison pour laquelle nous avons envie d'aller aussi dans les parcs en général quand il y a du beau temps. On ne va pas aller en plein mois d'avril. Oui, mais vous, alors, je prends la défense des sociétés, vous, si vous décidez d'y aller, c'est à l'improviste parce qu'il fait beau. Une société qui réserve le parc pour tous ses employés doit le prévoir quelques mois à l'avance, donc le beau temps, sur ce coup-là, n'influence pas, je pense. Je suis d'accord. Il y a d'autres parcs qui s'organisent nettement mieux. Je pense au parc à souris à Paris. Eh bien, ils privatisent une partie de l'accès du parc, enfin une partie des infrastructures du parc pour des réceptions sociétés, mais le reste du parc est ouvert à leurs abonnés. Bon, alors on va poser la question. Alors à Walibi, il reste combien de week-ends avant la saison d'hiver, avant que ce soit complètement fermé? Alors Halloween, c'est jusqu'au 6 novembre. Ouais, et d'ici là, il y aura combien de journées qui seront réservées encore à des entreprises? Ça, je ne sais pas vous dire à l'avance, mais de toute façon, on communiquera à l'avance aux personnes, aux abonnés, par mail et sur le site web s'il y a une journée. Et Valérie, vous avez reçu un mail qui indiquait non, à chaque pas fois du tout. Pas du tout. Non, et lorsque je lis sur les forums, il n'y a personne qui reçoit de mail, donc je ne sais pas comment ça se fait. Alors c'est peut-être encore une fois la malchance en ce qui me concerne, mais non, je n'ai pas reçu de mail, non. Tiffany, est-ce qu'on peut par exemple vous demander de bien vouloir vérifier si effectivement les clients comme Valérie reçoivent bien des mails? Parce que s'ils ne les reçoivent pas, ça pose encore un autre souci. Bien sûr, je peux vérifier, mais je suis certaine qu'on communique ça très bien par mail et sur le site web, mais je veux bien vérifier, ça n'est pas de souci. On peut demander à tous les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être le Golden Pass illimité, voir s'ils ont bien, effectivement, des mails réguliers pour leur annoncer quand le parc est sold out, et comme ça, on pourra avoir notre petit sondage à nous. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur la page Facebook de l'émission. Merci à Walibi. Valérie, vous nous tenez au courant la prochaine fois que vous allez à Walibi. Vous faites une photo quand vous êtes dans le parc, par exemple, pas en frappant le kangourou. On ne maltraite pas les animaux, ou ni les personnes qui sont à l'intérieur. On fait comme ça? Et si l'accès est fermé, prenez une petite photo accès voilà, fermé. Hein, aussi, on fait tant comme qu'à ça. Faire. Bon, dans quelques instants, on se plonge dans la page Facebook de l'émission où on vous posait une question concernant la manière dont vous utilisez la musique. Comment vous l'écoutez? Via CD ou via streaming? On lit ça dans quelques minutes. Vandenborg suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60€ par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival du vin. À l'achat de 6 bouteilles identiques, recevez un magnum gratuit du même vin parmi une sélection de 11 vins. Profitez-en jusqu'au 20 septembre inclus. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ce samedi et ce lundi chez Brico, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Brico. Moins 15% avec la carte Mon Brico. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Brico. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13€, le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. La 2 en télé. Et en fanfare avec une équipe survitaminée. Bonjour Madame Milquet. Bonjour Monsieur Le Borgne. Les fripouilles ont pris le pouvoir. Ne manquez pas la rentrée du Grand Cactus ce jeudi sur la 2. Dans mon magasin de Reusbrook, vous trouverez un choix énorme de tapis pleins. Vinyle, carpette, rideau, laminé, voilage, store et peinture. Et toujours la pose gratuite de vos tapis et vinyles à partir de 9,99€ le mètre carré. Moins cher, c'est illégal. Par condition en magasin. Cité. presque rien, juste un pas et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Sur Vivacité avec Oz. Sur la page Facebook, on vous posait une question. La musique, vous l'écoutez à la radio, évidemment, mais sinon, pour votre consommation personnelle, vous préférez le streaming ou vous achetez encore des CD ou des vinyles, pourquoi pas? Eh bien, Ambroise achète des CD, ça sonne quand même nettement mieux. Remarquez, il y a des supports nettement mieux comme le SACD ou le DVD audio, mais malgré que ça existe depuis plus de 15 ans, ça reste très particulier et peu d'artistes de grande envergure se donnent la peine d'en faire usage. De fait, je ne connaissais pas du tout. Non. Alors Mylène, elle aime les CD pour les artistes qu'elle aime vraiment. Le reste, tout se passe sur YouTube pour écouter le contenu par envie du moment et surtout pour découvrir d'autres sons qui ne passent pas forcément en radio. Et justement, JP, lui, préfère la radio, c'est bien suffisant, c'est gratuit. Gérard aime les CD et même les vinyles, mais on en parlait de, tout à l'heure. Retour, les vinyles. Sophie préfère écouter de la musique en live, elle va dans des festivals de blues notamment, et elle nous dit, entre parenthèses, n'est-ce pas Annie que je vais voir du blues? Sinon c'est en CD principalement. Et donc j'imagine. N'est-ce pas Annie? Eh ben écoutez, j'imagine que Sophie a croisé Annie dans un festival de blues. Oui, mais c'était puis, je ne sais pas qui est Sophie, mais festival de blues, Charleroi, Baie de Soleilmont. D'accord. Voilà, comme ça en plus on connaît votre emploi du temps, Annie. Et puis Geoffrey achète des CD qu'il importe dans son PC, puis le lecteur MP3 dans la voiture, Deezer, YouTube et magazine Rock Hard Metalion. Bien sûr. Pour faire des découvertes. J'aime acheter les CD. Le jour où il n'y aura plus de livret avec les paroles, des photos, etc., eh bien, je n'en achèterai plus. Enfin, Ludovic, PC branché sur la chaîne IFI, une playlist YouTube. Lorsqu'on achète un CD, il y a des morceaux qu'on n'écoute jamais. Poursuivez le débat sur la page Facebook, évidemment, qu'on continuera à vous lire. Exiger un parquet de qualité qui respecte l'environnement, c'est bien. Mais si en plus il est traité afin que vos enfants puissent jouer dessus sans subir d'émanations nocives, c'est encore mieux. Pour vous, pour votre santé, pour le respect de la planète, optez pour les parquets du monde. Les parquets du monde à Etterbeek. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities.

D'accord. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW série 2 Active Tourer Edition à partir de 27 400 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Des pigeons. On termine cette émission avec le coup de gueule du jour, il est signé Hans. Un beau coup de gueule par photo. Donc Hans a acheté un casier de Jupiler de 10 bouteilles. Déjà c'est une découverte, moi je ne savais pas que ça existait. Non plus. Mais le souci c'est qu'il y a deux bouteilles coincées. Alors il nous a laissé donc des photos et nous explique que même en retournant le casier, les bouteilles ne tombent pas. Oui, mais alors... tu sais pas, tu décapsules et tu bois avec le casier, enfin il y a toujours moyen de se débrouiller. Ça a l'air d'être compliqué. Alors j'ai analysé un petit peu la situation, ça m'a pris tout un moment ce matin parce que ça me tracassait un petit peu aussi. En fait ce qui se passe, ce casier de 10 bouteilles, dans le casier, il y a une 11e bouteille qui s'est glissée. Ah, donc il peut se dire « Ah, mais j'ai fait une affaire oui. !» Sauf qu'elle s'est glissée à l'endroit où on peut, où il y a la poignée. D'accord. Et à cet endroit-là, l'emplacement est plus étroit vu qu'il n'est pas prévu pour recevoir une bouteille. On est d'accord. Et donc la bouteille étant glissée dedans, elle a forcé sur la paroi et elle a coincé la bouteille qui était dans l'emplacement à côté. Ça, c'est de l'analyse, et donc on se retrouve avec deux bouteilles coincées. D'accord. Donc avec son casier de 10 bouteilles, il en a 11, mais il peut en boire que 9. Ah. Alors avec ça, il retourne avec son casier de 10 bouteilles, avec 11, mais qu'il ne peut en boire que 9 au magasin, et sachant demande qu'on lui donne 2 bouteilles. Je pense aussi qu'on lui échangera sans problème. Sachant que le train est parti à 8h05, le problème de maths de fou ici. Si vous avez des choses à nous lire ou des photos bizarres à envoyer, faites-le, c'est sur la page Facebook que ça se passe entre autres. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeons@rtbf.be, et vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur 070 222 660. On n'est pas des pigeons, c'est ce soir à la télé à partir de 18h30, la vie du bon côté, c'est maintenant sur Vivacité. Sylvie Honoré, on parle de bronzage oui, après vacances. Oui, mais ça tombe super bien parce que figurez-vous, Sébastien, que quand on m'a proposé cette émission, donc comment prolonger l'effet du bronzage, je me suis dit le 15 septembre, oh là là, bah, t'as vu le on temps, va être débronzé fastoche. Depuis 15 jours, on va avoir froid, on sera déjà tous en train de râler. Eh bien super, on fait cette émission aujourd'hui, le 15 septembre, et c'est le dernier jour du grand soleil, hein, le grand soleil chaud, parce que le soleil on va encore l'avoir. Donc c'est génial, je suis super heureuse finalement qu'on puisse faire une émission là-dessus, une émission un peu dermatologique aujourd'hui. On va en effet s'en tenir, essayer de vraiment de s'intéresser à ça, prolonger les effets du bronzage, parce qu'à Dieu bronzage, à un moment donné il faut lui dire au revoir, mais vive l'éclat, voilà, donc c'est le bronzage qui sera remplacé par l'éclat de la peau. Bonjour Nadine Pomared. Bonjour Sylvie. Vous êtes dermatologue. Tout à fait. Ça fait un an que vous êtes venue en plus, donc c'est génial de vous recevoir à nouveau pour faire cette émission. Le bronzage s'en va, m'avait dit, mais les rides restent en préparant l'émission. Oh là là, là ça c'est mal parti. C'est un constat malheureusement. C'est un constat. Oui, donc oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour entretenir nos rides? Non, on va pas les entretenir, on va s'en occuper. Les entretenir du bon côté, vous voyez, en leur disant tous les matins. On va les estomper. Essaie de te cacher un peu plus aujourd'hui. Allez, je ne veux pas te voir, voilà, je ne t'ai pas vu, tu n'es pas là. 070 23 33 23, SMS 30 63, émission donc sur la peau aujourd'hui. Comment prolonger l'effet du bronzage, mais prolonger les belles couleurs qu'on a sur la peau tout au long de l'année. En tout cas, jusqu'à la fin du mois de septembre, on essaiera peut-être jusqu'au milieu du mois d'octobre. Venez poser vos questions, venez témoigner juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis, que voici. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bonne journée à tous. La menace orageuse se précise par les frontières avec la France. Des orages qui vont remonter sur le pays dans le courant de l'après-midi, de la soirée, même en première partie de nuit. Ils pourraient localement être violents. La chaleur résiste encore un petit peu sur l'extrême nord du pays avec 29 à 30 degrés. C'est de l'air déjà un petit peu moins chaud qui arrive sur l'extrême sud. Après les passages orageux, demain on retrouvera d'abord un temps calme. Quelques averses isolées possibles mais très rares. La tendance sera au retour de la pluie par contre demain soir. Température de 20 à 24 degrés. Ensuite, samedi et dimanche, on continue le rafraîchissement des températures. 16 à 19 degrés. Des averses et quelques éclairci samedi, un temps plus sec pour dimanche. Bon début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Un homme libre mais affaibli devant les assises du Hainaut. Bernard Westphal, l'ancien député, était là pour la composition du jury. Le procès commence lundi. Le Liégeois se dit victime d'une boucherie médiatique.